J'm'en jamais vu tourner le dos, jamais niqué le bro, jamais faire le gros. Combien je pèse dans le game, combien on m'a niqué de flow, combien de gens ont tourné leur veste, combien ont voulu tester. J'suis tout tous au best, ils ont même pas les restes. À chaque ligne droite, le T-Max histoire. J'ai charbonné dur pour entrer dans l'histoire. Chaque fois, ils s'entendent pas du holy back. Que des têtes capotées dans les RSI sport. On est gentil, mais bon, à tout moment, on change. Donc prends pas la confiance si on t'a fait que du bien. On te décrapule, petit à petit, on se range. Je veux pas savoir qui parle de moi, me dit plus rien. Prends pas la confiance si on t'a fait que du bien. On te décrapule, petit à petit on se range. Je veux pas savoir qui parle de moi, me dit plus rien. Les vrais voyous tu les vois pas. Faut éviter les balles, c'est au plus intelligent. Même quand t'es le plus respecté, faut pas faire dirigeant. T'es ton pas de te faire marcher dessus, tu fais le pigeon. J'suis pas trop content parce qu'ils montrent trop petit à la télévision. Ah, ça parle en couille, pénétrant. C'est fini pour toi quand le pompier te met le drap. Du quartier j'ai rempli le dent. Maintenant pour voir ma team entière, il faudrait plus du vélodrome. Seul ici c'est le business. Avec le cœur et la sagesse. Même si autour ça s'agite. Et que tu sais que ça gêne. Et que tu sais que ça jette. L'œil, une tête de bœuf, une blonde, un paquet de feuilles. C'est malheureux mais même des gens vivants défendent leur pas avec tout le monde. Sinon on va t'éteindre. Et n'allume pas la flamme. Sinon on va l'éteindre. J'ai pas le temps pour tes boutiques, moi il faut que je m'étende. Y'a que des salopes putain. J'étais pas bien, j't'ai pas vu, c'est pas grave. Mais me dis pas je sais pas quoi après quand le vin il tourne. Si j't'aime pas, j'te dis pas bonjour, j'fais la tchave. Et j'te le dis aussi, j'vais pas faire 10 détours. Les gens ils sont bizarres. J'fais un tour dans le 4-1 au Grinardo. La plaque elle est carbo. Direction resto pour Rata, pas de carbo. L'année prochaine, si Dieu veut, on passe les vacances à Marbé. Sans faire les barbeaux. Pas de carbo. L'année prochaine, si Dieu veut, on passe les vacances à Marbé. Sans faire les barbeaux. Aïe, kick badrari, mauvaise fréquentation sans ton poids de barbarie. Mais ton parpal ou par glas va refaire ta vie. Gros bazooka, on est posé à la vue Tarkari. On parle de tout et de rien, de ce qu'on va faire demain. Combien y'a eu de morts, combien de coups de main, combien de coups de pute. Ça vient, ça te fait la bise, ça te tire dans les bras normal et ça te joue de la flûte. Attends, je roule la patte, putain, j'ai pas de feu. Dans la vie, c'est dur de t'en sortir si t'as pas de femme, si t'as pas de vœux, si t'as pas de couilles, si tu traverses pas les flammes. Dis pas que c'est ton ami, si tu lui niques son amour. J'suis posé sur le bateau, j'écoute du Charles Aznavour. Vous vous étiez dit à la vie à la mort. Mais faut que tu la laisses partir si toi elle en a marre. Le fait qu'il m'arrête, il me dit c'est toi le king. T'aurais platine, tu connais le gang. J'rentre sur scène comme si j'rentrais sur le ring. Comme si j'allais dépouiller une banque.